kweli kwenye yeye yako milita mwana njoma yeye angu mwike deke hindi kwenye mwili kweli kwenye yeye yako milita mwana njoma yeye angu mwike mwiki. Yannick Sadiqué, Yann Sada, Le Bourg, Louis Blaise Londolé le notable, Deladé l'efficacité. Origine Maramon, la moitié de la motion, les bassins, c'est dans le temps, les mômes, pas vrai, c'est le fils, un motel, un peu comment. Voilà, France, le mot, c'est. Tout va bien. Il y a comme il est à moi, la norme. Je vous manque beaucoup, quoi. Il est classe, Delta Charlie.